Le grain de sable d'Attaque Québec. Bonsoir, c'est Valérie Blouin qui vous parle et qui vous retrouve en cette année 2011. Et je vous souhaite la bienvenue à nouveau à l'émission Le Grain de Sable du groupe Attaque Capitale Nationale. Alors permettez-moi de vous souhaiter une année remplie de bonheur au quotidien. Et comme d'habitude, j'aurai le plaisir d'animer cette émission préparée par Cédric Leterme et aujourd'hui, dont la mise en onde est assurée par notre camarade Jeanne Gutiérrez. Alors à toute l'équipe, j'aimerais également vous souhaiter la bonne année. Alors aujourd'hui, on va revenir sur les un an du tremblement de terre meurtrier survenu en Haïti, on s'en rappelle tous. Alors, et on le voit là dernièrement là, dans les nouvelles, on en entend vraiment beaucoup parler. Alors on va faire un dossier qui est consacré dans le dernier numéro de la revue Relations. Alors peut-être que vous connaissez cette revue. C'est Cédric Leterme qui viendra nous en parler et on abordera également avec lui les événements des dernières semaines en Tunisie. Alors ça aussi, là, ça marque beaucoup l'actualité. Ensuite, en deuxième partie d'émission, ce sera le retour de Renaud Blais et de sa chronique consacrée à l'altermondialisme. Alors, on se quitte un court instant, le temps d'une pièce musicale. Alors, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite après, toujours sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Changer le monde, livrer le bon combat. Changer le monde, changer d'allure et de coiffure. Je veux me taire si je veux me taire, crier si ça me plaît. Je vais changer le monde, choisir moi-même mes armes. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. Dire ce que je veux dire, dites-moi quoi faire, je vais faire le contraire. Je vais lire ce que je veux lire, que ce soit cachère ou coopérant. Je vais changer le monde, choisir mon éclair. Si je entourais de son amour d'avachi. Et moi là-dedans, moi et mes insomnies, je vais jeter l'encre entre les mots et les choses. Je vais changer le monde et rire des grands débats. Et rire des grands débats. Et rire. Je vais changer le monde, doubler mon uniforme. Changer le monde, changer d'école et de couleur. Comment faire taire ceux qui ne disent rien? Je vais changer le monde, choisir moi-même mes armes. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. C'était Paul Carniello avec Qui va changer le monde. Merci, Jeanne. Alors, de retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec, vous êtes présentement en train de l'écouter. Alors, comme je vous l'ai annoncé, vous le savez, il y a tout juste un an, un terrible tremblement de terre a dévasté Haïti, alors qu'il a fait au moins à peu près 200 000 morts. Et ça a donné un coup extrêmement dur à un pays qui décidément collectionne les malheurs. Donc, beaucoup de voix se sont levées à l'époque pour dénoncer le côté mi-naturel, mi-surhumain de la catastrophe. Pour reprendre l'expression de la militante Noémie Klein, donc que vous connaissez déjà. On avait déjà d'ailleurs présenté ici au Grain de Sable une liste de nombreuses injustices historiques dont a souffert Haïti et qui l'ont rendu extrêmement vulnérable face à ce genre de catastrophe naturelle. Alors, l'anniversaire de ce désastre, donc le 12 janvier, est donc une bonne occasion de revenir sur ce qui s'est passé et de faire le bilan aussi du travail de reconstruction accompli jusqu'à maintenant et des défis qui restent à relever. On en parle donc beaucoup dans l'actualité. Alors justement, la revue d'information critique Relations consacre son dernier numéro à Haïti. Donc pour en parler, on est rejoint par Cédric Leterme, réalisateur de l'émission. Bonsoir Cédric. Oui, bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce dossier dans la revue Relations? Oui, mais en fait, peut-être juste avant d'aborder le dossier, je voulais d'abord revenir brièvement sur la revue en tant que telle. C'est juste pour dire que Relations, c'est une revue québécoise d'analyse sociale critique, dans laquelle on peut retrouver d'ailleurs beaucoup de collaborateurs qui sont liés au mouvement ATTAC. Et en fait, la revue fête cette année ses 70 ans d'existence. Donc c'est un bel anniversaire, quoi. C'est pas rien, 70 ans. Ils ont dû en voir passer des événements dans tout ce temps-là, on imagine. Tout à fait. Et à partir de ce numéro-ci, jusqu'au mois de décembre prochain, il y aura en fait à chaque numéro une chronique qui reprendra un des moments importants de l'histoire de la revue. Donc je trouvais que c'était une belle initiative et aussi une bonne manière pour ceux qui connaissent pas trop la revue, ou en tout cas qui ont envie de la connaître plus aussi, d'en apprendre un peu plus. Donc c'était juste pour mentionner ce fait-là. En effet, c'est une très belle initiative. Alors, pour en revenir au numéro de ce mois-ci, alors le dossier principal porte sur Haïti. Tout à fait. C'est sûr que c'était difficile de passer à côté, l'as dit, hein, vu l'ampleur de la catastrophe. Tu as rappelé aussi les chiffres qui sont proprement effrayants, quoi, plus de 200 000 morts. C'est vraiment abominable. Mais l'intérêt du dossier que consacre Relations à cet anniversaire-là, c'est évidemment d'essayer d'aller au-delà de l'indignation. Puis, premièrement, en revenant sur le contexte dans lequel est survenu ce tremblement de terre-là. Donc il y a notamment un article qui explique les ravages qu'ont causé les réformes néolibérales du FMI sur l'économie du pays et en particulier sur l'agriculture. On a beaucoup parlé de ce fait-là. Ça a poussé des centaines de milliers d'agriculteurs ruinés du jour au lendemain suite à l'augmentation des importations due à la libéralisation qui leur a été imposée par le FMI notamment. Donc ces centaines de milliers d'agriculteurs qui du jour au lendemain se retrouvent ruinés parce qu'ils se retrouvent mis en concurrence avec des importations excessivement peu chères des pays riches principalement. Ils ont été poussés à immigrer vers les villes ou vers la capitale en priorité. Port-au-Prince, oui. Où ils se sont bien évidemment entassés dans des bidonvilles, c'est-à-dire des habitations extrêmement précaires. Qui dit habitation précaire et tremblement de terre, ça explique en tout cas en partie l'ampleur du désastre qui est survenu à ce moment-là. Juste pour revenir, les réformes, c'est arrivé quand? Ça, c'est dans le courant des années 80-90. C'est les fameux plans d'ajustement structurel qui étaient imposés par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale aux pays endettés. Ou pour continuer à pouvoir bénéficier des prêts de ces institutions-là, on les obligeait à mettre en place des réformes économiques qui ont été excessivement dévastatrices pour ces pays-là. Notamment, on les forçait à libéraliser leur économie, ce qui ruinait la production locale, privatiser beaucoup, déréguler, libéraliser la finance, etc. C'est assez connu maintenant les effets de ces politiques-là. D'ailleurs, ces institutions-là s'en sont en partie excusées. Elles continuent de les appliquer en grande partie, mais elles ont quand même essayé de modifier un petit peu la donne. Elles sont plus aussi outrancièrement libéral qu'avant. Donc ce cas-là, c'est juste un exemple, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres qui permettent de mieux comprendre, en tout cas, comment on a pu en arriver à un désastre pareil. Et ça explique aussi, t'as parlé de l'expression utilisée par Naomi Klein, qui disait que la catastrophe était mi-naturelle, mi-humaine. C'est sûr que c'est une catastrophe naturelle. C'est pas un complot qui a fait trembler la Terre, mais l'ampleur de la catastrophe, le fait qu'on assiste à 200 000 morts, ça a des causes qui sont profondément humaines et qui peuvent être retracées dans l'histoire qu'a subi ce pays-là. Il y avait la thèse du complot. Oui, toujours la thèse du complot qui sort à un moment donné. Alors, c'est vrai que c'est toujours important de rappeler qu'il y a beaucoup de problèmes en Haïti. Donc, ils n'ont rien de naturel, mais il y a quand même des grosses responsabilités internationales dans la situation actuelle du pays. Donc, comme tu l'as dit un petit peu. Oui, tout à fait. En fait, ça a pratiquement même jamais cessé. Que ce soit la dette énorme qui a été infligée par la France. Incroyable, la dette. Dès l'indépendance d'Haïti, qui l'a fait payer littéralement pour sa liberté, à une dette astronomique pour l'époque. Je crois que c'était dans les 20 millions de francs, ce qui correspond à une somme évidemment colossale dont Haïti s'est jamais vraiment remis. Donc à l'imposition de cette dette-là, dès les premiers jours de son indépendance, jusqu'au programme d'ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international, en passant par les diverses interventions militaires des États-Unis dans le pays, ça fait beaucoup. La liste est vraiment longue et on se dit en fait qu'on n'a vraiment jamais laissé la moindre chance à ce pays-là. Mais ça fait au moins plus de 100 ans, je pense, l'indépendance. Oui, ouais, tout à fait. Mm-hmm. Donc ça continue puisqu'il y a seulement une infime partie d'argent. Là, c'est ça aussi. Il y a toute la polémique entourant bon l'argent qu'ils ont reçu, mm-hmm. comment ils vont la dépenser, qui va la dépenser. Donc, l'argent qui est promis pour la reconstruction a été effectivement déboursé. Mais ça fait déjà plus d'un an que la catastrophe est survenue. Mais on dirait que tout semble reste à faire. Alors, justement, au niveau de la reconstruction, c'est quoi les enjeux? On en est rendu où? Ouais, ça, ben, déjà, au niveau de l'argent, le problème, c'est justement qu'il n'y a qu'une partie qui a été donnée. Donc, ils sont très, très loin d'avoir reçu l'entièreté des sommes qui avaient été promises. C'est ce que mentionne l'article? Oui, l'article revient en partie là-dessus. Bon, il y a évidemment beaucoup d'articles qui traitent des enjeux de la reconstruction, hein, et de savoir un petit peu, d'essayer de savoir c'est quoi les priorités maintenant en Haïti. Il y a par exemple un article qui estime que la priorité c'est l'éducation. Je trouvais ça assez intéressant, mm-hmm. parce qu'on a tendance à se dire que l'éducation c'est peut-être quelque chose plus de long terme, mais bon, l'article plaide pour dire non, c'est urgent, il faut passer par là, si on veut mettre en place justement une construction qui sera pérenne. Il y a un autre article qui plaide plutôt pour l'inclusion politique des paysans aussi, qui permettrait d'essayer de diversifier un petit peu la vie démocratique du pays. Pour l'instant, et évidemment, elle est lacunaire dans beaucoup d'aspects. Moi, il y a deux articles qui me semblaient particulièrement importants sur cet enjeu-là de la reconstruction et qui pointent vers des sujets qui sont particulièrement importants et qu'on souligne souvent. Il y en a un premier qui porte sur l'absence totale d'État en Haïti. Ça, c'est vraiment un des gros problèmes qui est souvent mentionné, mais qui est probablement à la base de beaucoup d'autres problèmes plus secondaires. L'absence totale de l'État? Oui, l'État est absolument absent, vraiment au sens littéral. Il n'y a plus aucune institution, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus de services publics. L'État n'est plus rien en Haïti. Donc, il n'y a plus une entité qui serait capable d'incarner un projet national, quoi, d'incarner une espèce de projet cohérent national de reconstruction. Donc, bon, évidemment, ça aussi, c'est le résultat de tendances qui sont à l'œuvre depuis des années, mais ça devient forcément vraiment critique à un moment comme le tremblement de terre où il faut justement mettre en œuvre un projet et se dire, sur quelle base est-ce qu'on repart, quoi. L'autre article qui m'a marqué et qui est en fait lié d'une certaine façon à cet enjeu-là de l'État et de l'absence de l'État plutôt, ça concerne, lui, la question des ONG. En fait, ce sont elles qui ont littéralement repris le rôle de l'État haïtien. Et donc il y a un article qui revient là-dessus, puisque ça pose un double problème en fait. Bon, d'une part, ça contribue au déforcement de l'État, forcément. Il ne s'agit pas de dire que c'est que de la mauvaise volonté, mais c'est sûr qu'il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe, puisque à partir du moment où l'État est considéré comme inefficace, et il l'est effectivement dans beaucoup de domaines, les ONG ont tendance à faire les choses à la place de l'État et à le remplacer. Mais du coup, l'État ne peut pas apprendre, il ne peut pas... il peut pas s'exercer, il y a qu'une seule manière de s'améliorer, c'est en faisant les choses. Alors si les ONG continuent de remplacer l'État et à l'empêcher justement de pouvoir récupérer petit à petit ses fonctions premières, il n'y arrivera jamais. Donc on sort plus vraiment de ce cercle vicieux-là à l'heure actuelle. L'autre gros problème dont l'article traite plus en particulier, c'est celui de l'absence de coordination entre toutes ces ONG-là. C'est un gros problème aussi qui est souvent mentionné. T'as des dédoublements? C'est des dédoublements, une absence d'efficacité. C'est vrai qu'il y a énormément d'ONG là-bas. On évoquait plus de 10 000, je crois. Je ne sais plus si le chiffre est exact. Mais en tout cas, toutes ces ONG-là, elles ne se parlent pas forcément entre elles, évidemment. 10 000 quand même. Hein. 10 000, ça fait beaucoup. Elles n'ont peut-être pas forcément les mêmes objectifs. Elles n'ont peut-être pas forcément non plus les mêmes modes de fonctionnement, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une perte d'efficacité qui est colossale. Ça rejoint le fait qu'il n'y a pas d'État pour encadrer tout ça, pour donner une orientation globale et cohérente à toutes ces ONG-là. Donc, c'est vraiment comme je disais. C'est sûr que si depuis les dernières 20 années, l'État s'est désengagé dans la société, ça peut... Ça alimente ce côté-là et c'est vraiment le cercle vicieux qui s'engage. Et parfois, le travail des ONG peut même aller jusqu'à être contre-productif. Donc, c'est vraiment un problème. Est-ce que tu aurais un exemple là-dessus, quand ça peut être contre-productif? J'en ai pas en tête, mais... Mais c'est sûr que si les ONG œuvrent dans le même sens... Y a déjà le côté contre-productif où elles déforcent l'État, ça c'est certain, quoi. Donc elles peuvent faire du bon travail à court terme, mais il y a par exemple un cas, moi, qui m'avait choqué, c'était... Les ONG avaient à ce point-là repris les fonctions de l'État, qu'au lendemain du tremblement de terre, les ONG, ce qu'elles ont fait en premier lieu, c'est s'occuper de leur personnel à elles. Il n'y avait pas d'État pour s'occuper des gens, quoi. Donc ça a mis 2-3 jours... Puisque les ONG, en priorité, se sont occupées de leur propre personnel avant que la population soit soignée, soit aidée. Quoi. La provenance, des gens qui œuvrent au sein des ONG. Mm-hmm. Donc souvent, ils viennent... Ils viennent de travers la planète. Quoi. Ça, c'est qu'on ça. Trouve une multitude de nationalités aussi. Alors, très intéressant tout ça. Alors, bien, merci Cédric, on va déjà devoir s'arrêter. Alors, j'invite donc nos auditeurs à se procurer le dernier numéro de la revue Relations dans toutes les bonnes librairies, s'ils souhaitent en savoir plus là-dessus, et si vous la connaissez pas déjà, donc découvrir cette merveilleuse revue. Alors, tu restes avec nous pour parler de la révolte en Tunisie. Oui. Donc, mais avant de se quitter, on va prendre le temps de faire une pause musicale. Alors, restez bien branchés. On se retrouve tout de suite après pour la suite du Grain de sable. Thank you. Daniel Bélanger avec Jolly Cows. Merci Jeanne. Alors vous écoutez l'émission Le Grain de Sable sur les ondes de CKRL avec Valérie Blouin au microphone. Alors comme vous le savez, la Tunisie est le théâtre d'une vaste révolte sociale, donc je ne pèse pas mes mots. Alors une révolte sociale qui dure depuis bientôt un mois. Alors pour ceux qui ne savaient pas, je vous l'apprends. Alors la population, ben cette révolte-là finalement a été férocement réprimée par le régime du président Ben Ali. Alors certaines sources parlent de plus de 60 morts déjà. Alors ce qui a mis le feu aux poudres, donc ce qui a suscité cette révolte, c'est le suicide d'un jeune homme le 17 décembre dernier. Alors pour vous remettre un peu le contexte, celui-ci s'est immolé par le feu après que la police lui ait confisqué la marchandise qu'il essayait de vendre pour financer ses études. Alors, il est devenu très vite le symbole d'un peuple tunisien durement frappé par la crise économique et de plus en plus en colère contre un régime autoritaire et corrompu. Alors, le mouvement qui a commencé dans le centre du pays s'est vite généralisé. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, alors ça s'est très vite généralisé et a obligé le pouvoir de prendre des mesures de répression qu'on connaît. Alors, pour davantage en parler, je cède la parole à Cédric Leterme. Alors, Cédric, peux-tu revenir sur le contexte dans lequel intervient cette révolte? La Tunisie, c'est un pays qui a connu récemment un relatif boom économique. Donc ces dernières années, économiquement, ça se passait plutôt bien, principalement grâce au tourisme. Elle a été beaucoup tirée par le tourisme, mais aussi elle a réussi à avoir une industrie naissante et à exporter relativement bien. Elle était régulièrement présentée comme un bon élève dans la région, et c'était d'autant plus le cas que la menace islamiste y paraissait moins présente qu'ailleurs, quand d'autres pays comme l'Égypte ou l'Algérie, où ça paraissait être plus une menace directe. Donc on la présentait souvent comme un cas à suivre, on va dire, et on fermait du coup allègrement les yeux sur le caractère franchement autoritaire du pouvoir, pour pas dire dictatorial. Certains dirigeants, pour ne pas les nommer Nicolas Sarkozy, a même été jusqu'à qualifier le président de grand démocrate. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Ben Ali est au pouvoir depuis 1987, ça fait 23 ans qu'il règne sur la Tunisie quand même, qu'il a gagné, entre guillemets, ses deux dernières élections avec des scores d'à peu près 90%. Donc, on repassera pour la démocratie. L'opposition, en fait, tu est quasiment inexistante. Tu crois? Ces scores-là, on les qualifie de staliniens. C'est 90%, c'est des trucs qui n'arrivent juste pas. Je pensais vraiment que la population était heureuse. Oui, c'est ça, elle aimait beaucoup. Mais c'est ce que certains ont été jusqu'à dire avec un assez gros cynisme en disant, bah écoutez, un plébiscite pareil, c'est fabuleux, c'est que la population l'aime bien, ça s'appelle prendre les gens pour des imbéciles. L'opposition, en fait, est inexistante depuis très longtemps, elle a été matée assez durement, il n'y a absolument aucune liberté de la presse, il y a un parlement qui est là, mais qui fait plus figure d'illusion qu'autre chose, quoi. C'est l'exécutif qui règne sans partage sur le pays, et la famille du président se partage en plus la plupart des secteurs économiques clés, donc on comprend dans ce contexte-là que ça suscite la colère, quoi. Alors, puis là, actuellement, donc c'est dans quel contexte, dans le fond, là, qu'il y a eu la crise mondiale? C'est ça, en fait, la crise éclate donc dans ce contexte où l'économie va bien. Donc ça apaise finalement les tensions sociales. Le problème, c'est que dès 2009, la crise frappe. Les prévisions de croissance sont revenues à la baisse de moitié, donc c'est quand même considérable. L'économie ralentit beaucoup, les exportations reculent, les touristes européens qui n'ont plus d'argent restent chez eux, et les investisseurs, plus ou moins pour la même raison aussi, restent chez eux. Donc, si je comprends bien, bye bye le boom économique. Du coup, ce qui permettait en fait de maintenir une certaine stabilité malgré le caractère autoritaire du pouvoir, malgré le fait que ce soit sa famille qui règne plus ou moins sur les gros domaines de l'économie, ce qui permettait de faire en sorte que ça tienne, c'est finalement qu'il y avait croissance, donc on pouvait quand même redistribuer un petit peu, ou en tout cas les gens avait un espoir que ça s'améliorerait. Cette idée-là s'arrête brusquement avec la crise. Le chômage explose, les inégalités qui existent, qui sont non seulement entre riches et pauvres, mais aussi entre régions, puisque c'est principalement les régions côtières qui bénéficient surtout du boom économique. Les régions rurales et à l'intérieur du pays, elles restent en retard. Donc il y a aussi des inégalités régionales. Mais ces inégalités-là, elles deviennent vraiment intolérables. Et dans ce contexte-là, on comprend facilement qu'il suffisait évidemment d'une étincelle pour que tout s'embrase. Et l'étincelle, ça a été, comme tu l'as bien dit, le suicide de ce jeune homme qui s'est immolé par le feu, ce qui est un acte franchement symbolique assez tragique. qui s'est immolé par le feu le 17 septembre dernier et qui donc a tout déclenché, quoi. Donc ce qui est parti finalement d'un mouvement de protestation sociale localisé sur cet événement-là en particulier, bah, c'est très vite répagé et en train de se transformer en insurrection généralisée en Tunisie. Et face à ça, le président Ben Ali donc il apparaît un petit peu dépassé par les événements. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, c'est sûr qu'il s'attendait manifestement pas à ça, pas une telle ampleur. Sa première réaction, ça a été évidemment de réprimer le mouvement férocement. De quelle façon ? Bon, il a d'abord envoyé la police pour mater les manifestants. Ensuite, c'est carrément l'armée qui s'en occupait. Il a décrété l'état d'urgence, qui fait qu'on est interdit de se réunir à plus de 3 personnes. Mm-hmm. Les libertés pour celles qui restaient sont absolument abolies. Couvre-feu, je suppose. Couvre-feu, bien sûr. Mm-hmm. Le bilan de cette répression-là était extrêmement lourd. Tu l'as dit, on parle de plus de 60 morts. Il y en a même peut-être 13 nouveaux depuis, donc ça serait monté à 73-80, même si les chiffres sont assez durs à vérifier, puisqu'il n'y a pas de chiffres officiels, évidemment. Mm-hmm. Donc il faut se fier aux chiffres qui sortent par les ONG, etc., qui sont sur place. D'un autre côté, Ben Ali essaie aussi de donner évidemment des gages d'apaisement, parce qu'il se rendait bien compte que c'était en train de devenir hors de contrôle. Dans un premier temps, il a promis par exemple de créer 300 000 emplois, ce qui est assez comique. Soudainement. On se demande bien où il allait les trouver. Ensuite, il a annoncé qu'il se retirerait du pouvoir en 2014. Là, visiblement, entre-temps, il a même annoncé qu'il dissoudrait son gouvernement dans les 6 mois et convoquerait des élections. Et là, je viens de voir, avant de partir, que visiblement, il aurait quitté le pays. Donc, il y a tout qui est en train de se précipiter. Ça va très vite. C'est assez confus ce qui se passe. Visiblement, c'est son premier ministre qui a fait une annonce à la télévision comme quoi il le remplaçait de manière temporaire, mais indéterminée. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe. On va voir comment ça évolue. Ce qui est certain, c'est que la répression continue. Donc, c'est assez inquiétant ce qui se passe. Il faut voir vers quoi ça va mener. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, à ce propos, chers auditeurs, je vous annonce par contre que le collectif canadien de solidarité avec les luttes sociales en Tunisie organise demain samedi plusieurs manifestations dans le pays. Et en soutien avec le mouvement social tunisien pour encourager nos gouvernements à faire pression sur le pouvoir pour qu'ils cessent la répression. Alors, il y aura notamment une marche ici à Québec, alors qui va démarrer à 13h30 au centre Lucien Borne. Donc au centre Lucien Borne et qui ira jusqu'à la place Diouville. Si vous voulez vous joindre à Attaque Québec, alors l'organisme Attaque Québec a donné son appui à l'initiative et on vous invite à venir nombreux. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, c'est ça, venez nombreux, c'est vraiment important d'essayer de faire pression un maximum. On sait que c'est le genre de gouvernement qui sont très vulnérables, évidemment, aux pressions internationales. Donc, si on peut envoyer un signal fort, il y a vraiment une opportunité à saisir ici pour faire pression, pour que, enfin, la Tunisie puisse se démocratiser et pourquoi pas donner un bon exemple pour d'autres États. On sait qu'en Algérie, c'est excessivement tendu pour l'instant aussi. Il y a aussi des grosses manifestations et un semblant de révolte de la part de la jeunesse qui est en train de se passer. Donc, c'est important vraiment de manifester son soutien pour essayer de faire en sorte que le changement aille dans le bon sens. Alors, merci Cédric de nous avoir éclairé sur cette actualité, des fois qui nous apparaît un petit peu plus complexe. Alors, en attendant, on va se quitter le temps d'une pause publicitaire. Tout de suite après, c'est Renaud Blais qui nous rejoint pour sa chronique consacrée à l'altermondialisme. Alors, restez avec nous. Chaque vendredi, les soirées du Bleu ou Noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de micro-brasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Ling, ling, ling, ling, ling. Bonjour! Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui. Ça va ici? Non, ça va pas. Est-ce qu'on peut vous être utile? Vous êtes ma dernière chance. Vous cherchez un item en particulier? Oui, je recherche le... Ah! Ah, du... Ah! Oh, c'est pas évident. Non, hein? C'est au bout du couloir. Au bout du tunnel? Je vais vous guider. Queue qui pique, doigt qui pue! La vie, la mort et la démangeaison entre les deux. Présenté par le Suicide Collectif. Au théâtre Premier Acte du 18 janvier au 5 février, mettant en vedette... Mathieu Campagnard, Catherine Dorion, Philippe Larouche, Nicolas-Franck Vachon. Et dans une super mise en scène du super metteur en scène... Marc Doré! Une collaboration de la Caisse populaire de Québec, du Bar Le Sacrilège, d'Intermarché Saint-Roch et de CKRL-MF. Je recherche le A. CKRL a des espaces à bureaux à louer. Contactez votre courtier immobilier agréé Remax Fortin Delage, Jean-Philippe Deschênes, 88-653-5353. CKRL 89.1. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelli. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animé par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30... Les dimanches, 22h. Laissez-vous entraîner dans l'univers burlesque et absurde de Dr. Franco, un vaccin contre la morosité. CKRL 89.1. La soirée du bleu au noir est une présentation du Bal du Lézard. 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Le Bal du Lézard. Rebonsoir, vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. Cette semaine, c'est Renaud Blais qui vient nous présenter sa chronique consacrée à l'altermondialisme. Alors, bonsoir Renaud. Bonsoir. Alors Renaud, militant altermondialiste depuis les préparatifs du Sommet des Amériques et également qui a fait l'étude à l'université sur le premier forum social local, donc en septembre 2002. Alors aujourd'hui, tu viens nous présenter l'historique des accords de libre-échange de l'accord multilatéral sur les investissements, donc l'AMI, au projet d'accord Canada-Union européenne. C'est bien ça? Ouais. En fait, en introduction, j'ai eu quelques commentaires en rencontrant des auditeurs qui m'ont demandé pourquoi tu parles de choses qu'on connaît tellement, puis bon. Mais mon objectif, c'est de faire de la vulgarisation pour rejoindre tous les auditeurs, pas juste les gens qui connaissent ATTAC, puis les gens qui sont dans ce milieu-là depuis des années. Puis donc, c'est pour ça, pour répondre à quelques commentaires qui m'ont dit, ben pourquoi tu dis des choses que tout le monde connaît, puis bon, voici. Alors, c'est de la vulgarisation. Merci pour ces précisions. Bon, alors, pourquoi à un moment donné, on nous parle de libre-échange? Ben j'ai une formule là, bien réfléchie, je vais vous la lire tout doucement, la phrase. Là. Les accords de libre-échange constituent un instrument utilisé par l'oligarchie financière internationale pour asservir les peuples, les États, afin de s'approprier les richesses naturelles. Ah fait oui? Que je pourrais... Puis, pour situer ça dans le contexte de l'élaboration du projet de l'accord multilatéral sur les investissements, qui était un projet élaboré à l'OCDE, qui est l'organisme de coopération et développement économique. Je reviendrai sur le détail là-dessus. Ben, d'abord, à l'OCDE, ils ont conçu le projet de l'AMI, qui était l'accord multilatéral sur les investissements. Autrement dit, ça, c'était un moyen qu'ils ont conçu. Puis l'OCDE, là, c'est tous les pays riches, là, pour faire une histoire courte, je reviendrai, pour dominer la planète. Puis là, entendons-nous bien, là, moi, je suis pas un tenant de la théorie du complot. Ces gens-là, ils ont des intérêts, puis ils s'organisent pour les faire valoir. C'est pas un complot, là, c'est au sens où on l'entend de façon méprisante quand on parle de la théorie du complot. Ce sont des gens qui s'organisent, comme de mettre sur pied une chambre de commerce, c'est pour faire valoir les intérêts des gens qui sont membres. Fait qu'ils s'organisent, puis ils font valoir leurs intérêts. Bref, ils ont conçu l'AMI, qui était l'accord multilatéral sur les investissements, on y voit la formule « inclut les investissements ». L'objectif numéro un, c'était de protéger les investissements à l'intérieur des pays qui signent cet accord-là. Fait que là, pour faire un exemple concret, par exemple, une entreprise qui veut investir dans un pays qui n'a pas signé cet accord-là, ben si le gouvernement, à un moment donné, décide que cette entreprise-là ne fait plus son affaire, ben il change ses lois environnementales, il change ses lois du travail pour faire en sorte que ces entreprises-là se conforment. Mais en signant des accords de libre-échange, ça contraint les gouvernements à ne plus faire ça. Parce que là, les entreprises, au nom de l'accord de libre-échange, ils vont poursuivre le gouvernement parce qu'ils ont anticipé de faire des profits. Puis là, ils sont contraints parce que le gouvernement fait des lois. Puis là, oh, on va faire moins de millions, vous nous devez tant. Ça fait que c'est une perversion, les accords de libre-échange. Bref, bon, mais pour vous documenter un petit peu plus là-dessus, là, pensez Walden Bellow, ou Bellow, qu'on vous dirait en français, qui est un prof de sociaux à l'Université de Philippines, qui est maintenant élu au Parlement là-bas, puis qui a toujours été membre comme militant de Focus of Global South. Puis on a traduit, par exemple, un de ses textes qu'il a prononcé à Berlin en 2009 dans le livre qui vient d'être publié là chez Éco-Société qui s'appelle L'Altermondialiste, dont les auteurs sont Pierre Baudet, Raphaël Canet et Marie-Josée Mascotte. Alors, dans un chapitre, ils ont traduit un de ses textes. Mais pour en revenir à l'OCDE, par exemple, je vais commencer par ça. L'OCDE, c'était un pays, un organisme qui a été fondé officiellement en décembre 1960, qui regroupait 20 pays qui ont signé une convention. Bon, ben, cet accord-là a été signé par 18 pays européens, plus les États-Unis et le Canada. Et maintenant, en 2011, ils en sont à 40 pays. Parce que, sans être membre, là, quand ils se réunissent, il y a des observateurs qui sont non membres, mais présents à la table, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, un peu les géants... J'improvise parce que mon texte est trop long. Bon, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, la Russie. Bon, ce qui fait 40 pays aujourd'hui. Puis l'OCDE fête ses 50 ans parce que, bon, ça date de 1960. Mais vous comprenez que c'est une association de pays qui se sont réunis dans l'intérêt de préserver les intérêts des entrepreneurs privés. Donc, c'est économique. Essentiellement, intérêt économique. Tout à fait. Puis, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges au niveau mondial, je suppose. Oui, ben ils surveillent les échanges au niveau mondial pour préserver leurs intérêts. Maintenant, l'AMI, pour aller plus en détail, c'était conçu à l'OCDE, négocié pendant 3 ans secrètement. Puis on appelait... Ah oui, secrètement? Ah oui, ça a été dévoilé. Pourquoi l'AMI a tombé? C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont su que ça se négociait secrètement. Par exemple, ici à Montréal, en 98, il y a eu ce qu'on a appelé l'opération Salami, qui ont bloqué l'entrée du Sheraton où ils se réunissaient, ces gens-là. Puis en Europe, par exemple, la France a quitté à peu près au même moment une table de négociation. Puis là, ça a fait boule de neige, puis les gens ont pris conscience qu'on était en train de se faire avoir, puis ça a fait éclater le projet de l'AMI. Puis parce que dans quel sens qu'on se ferait avoir avec l'accord multilatéral sur investissement? Bien, c'est que les pays, en signant cet accord-là, renoncent à leur possibilité souveraine de faire des lois en matière de travail, en matière d'environnement, qui pourraient contraindre les entrepreneurs dans leur projet de faire des sous en masse. Donc, si je comprends bien, donc l'État n'a plus aucune mainmise là-dessus. Donc, c'est un vrai accords de libre-échange, parce que en lisant un accord de libre-échange, ben là, on va parler un petit peu de l'accord Canada-Union européenne tantôt, mais l'État, en signant ces accords-là, renonce à ses prérogatives souveraines qui sont de légiférer dans certains domaines au profit des entrepreneurs privés. Peu importe la population ou l'impact environnemental. Dans les soucis des investisseurs, la population, là, on pourra revenir là-dessus, mais bon, c'est pas leur souci. La population, faut qu'ils travaillent pour le moins cher possible puis qu'ils se soucient pas d'environnement, dans le fond, puis bon. Bon, maintenant, l'AMI, c'était, on appelait ça une charte des droits des investisseurs. Interdit d'appliquer des conditions pour l'investissement. C'est une combinaison de ce qu'on appelle le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée. Le traitement national, c'est que, en signant l'accord de l'AMI, les pays auraient renoncé à donner des statuts différents à des entrepreneurs nationaux qui ont leur siège social dans le pays et les entrepreneurs étrangers. C'est ce qu'on appelle le traitement national. Ensuite, le traitement de la nation la plus favorisée, ben ça, c'est un concept développé aux États-Unis qui fait en sorte que, aussitôt qu'un pays signe un accord avec un autre pour lui donner des traitements préférentiels, ben quand on invoque le traitement de la nation la plus favorisée, vous favorisez telle nation de façon très particulière, donc on veut obtenir les mêmes droits. Est-ce que tu aurais un exemple? Non. Là, j'ai non. Pas d'exemple à l'esprit. Il faudrait que je me souvienne dans notre formation. Est-ce que Canada et États-Unis en auraient? Oui, ça, okay. C'est inclus dans l'accord de l'ALENA, là, puis que c'était okay. Là dans l'ALE, puis c'était dans l'ALENA, puis c'était renouvelé dans l'ASLEA qui a échoué, puis... Oui, c'est des notions fondamentales des traités de libre-échange. Puis ce qui est important aussi dans l'AMI, qui se retrouve aujourd'hui dans les traités de libre-échange, puis à l'OMC, c'est qu'on dit, il y a des tribunaux dans ces accords-là qui sont mis sur pied de façon assez occulte. Ah par bon? Exemple, dans le projet dans l'ALENA, qui a été adopté, mis en vigueur à partir du 1er janvier 1994, il y a un tribunal qui est constitué de une partie représentée, l'autre partie plus une troisième qui est un consentement des deux parties quand il y a un différend, on s'entend, là. Ce tribunal-là, là, il prend des décisions, puis c'est sans appel. Donc, c'est un tribunal, supposons qu'il y aurait des différends entre deux pays, donc ils sont pas d'accord sur les échanges commerciaux. Tout à fait. Donc là... Ce tribunal-là prend la décision, puis c'est effectif, puis c'est sans appel. Oh. C'est prévu dans l'ALENA, ça existe. Comme un tribunal international. C'est... Ben, non, on fait attention, parce que là, par exemple, l'ALENA, c'était Canada, États-Unis, Mexique. On peut dire international, mais c'est pas à l'échelle de la planète. Non, OK. Dans l'AMI... Si ça avait passé, ça aurait été à l'échelle de la planète. Ah bon? Mais comme ça n'a pas passé, ben là, on s'est replié sur des accords de libre-échange. Parce que libre-échange, c'est beau, libre-échange. Mm-hmm. Mais ça inclut énormément plus que ça. C'est un beau concept. Tout à fait, oui, tout à fait. Très vendeur. Ouais, ouais. Mais là, je veux préciser une chose. Mm-hmm. Quand l'ami, ça c'est un scoop, là. Il n'y a pas personne qui est capable de dire ça autre que moi, mais vous allez voir pourquoi. Quand l'ami a échoué, j'ai entendu une madame dire « L'échec de l'ami fut ressenti à l'OCDE comme un onde de choc. » Ça, mm-hmm. on n'avait pas entendu parler de ça, mais écoutez bien, qui est la madame? Madame Michelle Stanton-Jean, qui a été de 98 à 2000 conseillère spéciale auprès du ministre des Affaires étrangères canadienne en matière de santé et d'affaires sociales. Elle était affectée à la mission du Canada auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Elle a occupé auparavant des postes de sous-ministre à Santé Canada, 93 à 98. Elle a laissé échapper cette expression lorsqu'elle participait à un panel d'experts dans le cadre d'un colloque international qui s'appelait « Entre conscience et l'inconscience, l'impact des nouvelles technologies sur le sens de l'humain ». Vous voyez que c'est pas lié au sujet dont elle voulait parler, mais c'était lors d'une question qu'on lui a posée à la fin, elle a laissé tomber ça. Puis ce colloque, il est organisé à l'Université Laval par la chaire La philosophie dans le monde actuel, puis c'est le 10 avril 2010 que je l'ai personnellement entendu dire ça, puis je l'ai rencontré après, je lui ai demandé « Madame, est-ce que vous voulez venir nous dire ça dans une assemblée? » Jamais! Elle m'a même pas répondu à mon courriel, malgré qu'on avait fait un petit peu connaissance, puis elle m'avait dit « Oui, mais quand elle est partie, plus de réponse, off the record. » Et puis ça, juste pour que je comprenne bien, donc l'ami, vous dites que ça a été... C'était un projet de l'OCDE. C'était un projet, mais donc, ça l'a avorté quand, ça? Ça l'a avorté en 98. Okay, ici, à Montréal, c'est l'opération Salami qui nous l'a mis en lumière. Mm-hmm. Mais bon, c'était en France, comme je l'ai dit, en Europe, là, la France a quitté une table, puis ça s'est commencé à savoir internationalement, puis ça a circulé dans les milieux qu'on était en train de se faire avoir, puis de nous passer un savon, là, puis à un moment donné, ça a avorté... Donc, juste avant de prendre une petite pause musicale, c'est vraiment un peu la naissance de l'anti-mondialisation? Oui. Au Québec, on considère que l'opération Salami en 98 à Montréal, ça a été un peu la naissance de ce qu'on appelait les anti-mondialisations, qui est devenu en 2001 les altermondialistes. Alors, merci, Renaud, de toutes ces informations, de nous éclairer un peu plus sur ces organismes et ces projets d'accord. Alors, on va se quitter un court instant, le temps d'une pause musicale. Restez bien avec nous. On se retrouve après pour la dernière partie de l'émission, toujours avec Renaud Blais. Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency Babylon. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas dans le show, hommage à l'art-pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y. Saisis-toi, faut courir maintenant. Elle est dans un bunker, y a plus de programme. incendie, c'est l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie. S'enfuit, se cacher dans une planque, s'enterrer. La marge est infime, au bord de l'abîme. Implosion, explosion, mort au comprime. Crapule, salaud, bourgeois, blaireau. Chien à ça détale dès qu'on a eu le déclic. I wanna do, do up, do. I wanna, wanna go with you. Trop tard, petit, petit malin. Indemnité, c'est pinus, t'auras rien. Le coup. C'est l'incendie, le grand incendie, l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie. Grand incendie avec Noir Désir. Merci, Jeanne. Alors, de retour à l'émission Le Grain de Sable jusqu'à 18h30. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL. Alors, notre émission sera suivie de l'émission 100% Dynamite, émission très musicale avec Jean-Baptiste Duvigneault et Goulvendi. Donc, on est en train de discuter altermondialisme avec Renaud Blais, notre chroniqueur spécialiste de la question. Et donc, c'est ça, il nous expose un petit historique de la création des accords de libre-échange, entre autres celle de l'AMI. Puis, il nous situait également certains organismes comme l'OCDE, l'AMI et maintenant l'OMC. Donc, ouais, ça fait que vous voyez bien, l'AMI avait un projet, l'OCDE avait un projet qui s'est appelé l'AMI. Quand ça a échoué, on a comme transféré la responsabilité du projet global à l'OMC qui a comme repris la balle au bon. Puis là, par exemple, l'exemple de Seattle en 99, c'était comme l'enclenchement du cycle de... C'était pas le cycle de Doha, c'était le cycle qui a précédé. En tout cas, c'était tout un système de négociation qui allait durer 3 ans, mais qui aurait amené à peu près les mêmes résultats que le projet de l'AMI. Mais comme ça a échoué encore à Seattle en 99... Qu'est-ce qui s'est passé déjà à Seattle pour rappeler les auditeurs? Super manifestation de résistance, les gens qui voulaient se réunir pour lancer ce phénoménal cycle d'accord avec les pays ou élaboration d'un accord international, ils ont été empêchés par une manifestation monstre. Là. Ils n'étaient même pas capables de se rendre à l'hôtel le matin pour inaugurer la rencontre. Puis on a... Ça a été, entre autres à Seattle, c'est que... Par exemple, les grandes centrales syndicales américaines ont recommencé à devenir militantes un peu à cette époque-là. On a pu documenter ça. Puis avant ça, c'était des centrales un peu comme nos centrales au Québec, qui couchent pas loin des patrons. Puis là, ils se sont comme réimpliqués plus dans les C'est Action militante. Alors, c'est vraiment une date, en tout cas, une année marquante. C'est la naissance, on dit, de l'altermondialisme. Mm-hmm. C'est une date culte, le changement de siècle, etc., etc. Puis bon, pour faire une histoire courte, c'est que l'OMC, Organisation mondiale du commerce, fondée en 94, plus de 130 pays en font maintenant partie. C'est quasiment un gouvernement mondial. Il y a là un tribunal qui s'appelle l'Ordre, là, O-R-D, Organisme de règlement des différends. Puis c'est comme je disais tantôt, c'est un tribunal occulte qui tranche des questions commerciales de différents entre pays, mais qui a aucune possibilité d'appel, puis qui représente les pays dans ces accords de différends-là. C'est encore un représentant. Ben ça, c'est l'ALENA, qui a 3 personnes. À l'Ordre, il y a peut-être plus de monde. Mais c'est toujours aussi occulte. C'est pas, il n'y a pas de lien avec les tribunaux reconnus dans les pays qui pourraient, par exemple, aller en appel sur ces décisions-là. C'est toujours sans appel. Sans appel. Ça finit. C'est vraiment... comme interne à l'OMC. Mm-hmm. On s'organise avec les affaires économiques. Mm-hmm. Bref, bon. Fait que, ça favorise les investisseurs, c'est toujours ça? Pour protéger les investissements. C'est toujours... Ben, c'était plus clairement exprimé dans l'AMI, accord multilatéral sur les mm-hmm. investissements. Mais on a comme reformulé le projet qui est maintenant connu sous le vocable d'accord de libre-échange. Okay. Puis là, je vais venir sur des éléments de ces accords-là un peu plus concrets avec le projet de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Parce que ça se passe, là. Ça se parle en oui. ce moment-là. Oui, hein? Notre négociateur oui. en chef, ex-premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, c'est lui qui représente le Québec autour de la table, mm-hmm. là, comme membre de la délégation canadienne, on s'entend? Parce est-ce qu'on en entend parler dans l'actualité en ce moment? En ce moment, pas bien, ben, mais je me rappelle l'automne passé, là. Non, mais là, Charles, actuellement... Ben, pas bien, ben. Ça se passe c'est en plutôt... douce. Ah, ouais, ouais, oui. Mm-hmm. C'est plutôt occulte, là. Appelez M. Pierre-Marc Johnson, demandez-y ce qui s'est passé hier et il pourra peut-être vous répondre, mais il est peut-être rendu à Genève en train de négocier un accord. En fait, il fait partie de l'équipe canadienne de négociateurs et il représente le gouvernement du Québec. Mm-hmm. Puis, bon. qu'est-ce comme que contenu. Oui, c'est ça. Comme contenu, là, bon. On dit, là, par exemple, pour être honnête, je me sers d'un dépliant qui a été publié par le Réseau pour le commerce juste, dont ATTAC mm-hmm. fait partie. Puis, on l'avait déjà présenté ici à l'émission. Ouais, une mais fois. Je reviens mm-hmm. sur des éléments oui, oui. concrets dans ça pour permettre aux gens de voir qu'est-ce que ça peut inclure un accord de libre-échange. Est-ce que ça peut être menaçant d'ailleurs? Ben, par exemple, on dit ici l'accord de libre-échange menace notre système de santé publique. Bon, ben, le système de santé publique, pourquoi il est menacé par ces accords-là? C'est qu'on pourrait, en signant cet accord-là, les entrepreneurs privés vont avoir encore plus d'emprise pour remplacer notre système de santé publique en facturant, évidemment. Favoriser la privatisation des soins. Tout à fait, tout à fait. Mm-hmm. Puis la porte est déjà ouverte, bon, on dit avec l'ANENA, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin encore. Ah oui. Puis cet projet d'accord-là menace également l'environnement. Par exemple, les désastres environnementaux, ça deviendrait de responsabilité de l'État, puis les entreprises peuvent s'en dégager parce ah qu'ils oui? disent, ben oui, on crée des emplois. Actuellement, ça, c'est pas le cas. C'est pas négocié, c'est en négociation, cet accord-là. Mais ce que je veux dire, c'est actuellement, les entreprises ici, ils ont quand même une responsabilité au niveau environnement. Oui. Ah oui, ben, il y a l'ALENA qui le diminue encore, puis qui les protège, puis qui mm-hmm. dit, bon, on crée des emplois. Puis vous connaissez le système de l'entreprise, par exemple, qui est menacé de poursuite, puis qui va faire faillite, puis qui va tout laisser tomber, puis qu'en fin de compte, ils déplacent leurs investissements. Puis il y a toujours des moyens de contourner nos lois, mais ça irait encore plus loin avec cet accord-là, au niveau de l'environnement particulièrement. Par exemple, au niveau de la souveraineté alimentaire, par exemple. Je sais pas si tout le monde sait que, avec les OGM, par exemple, Monsanto, qui est un des grands producteurs d'OGM, ils sont rendus qu'ils sont pour s'approprier une graine, on dit, là, les semences, mm-hmm. ils vont la trafiquer génétiquement. Puis, ils sont même plus en train de se soucier. Par exemple, il y a 2 façons classiques de modifier une graine. C'est que, soit qu'elle puisse produire elle-même un herbicide qui va tuer son prédateur le plus identifié, ou il y a le Terminator, qui est une graine qui devient stérile. Mm-hmm. Bon, ben, Monsanto, quand ils rentrent dans un champ, puis qu'ils font une analyse d'une graine, d'une plante qui a poussé, ben là, ils vont dire, voici, on a la preuve que vous avez cultivé nos graines, mais vous ne nous avez pas donné nos droits. Fait que là, ils vont collecter les droits d'auteur sur la graine qui a poussé dans le champ d'un monsieur qui n'a pas planté les semences de Monsanto, mais ces semences ont été pollinisées par des abeilles qui ne respectent pas les limites des propriétés privées. Donc, là, ça, c'est l'utilisation d'OGM, donc avec cet accord-là, ça pourrait être intensifié? Ça menace la souveraineté alimentaire. Ah oui, ben ça va devenir plus fluide, l'utilisation des OGM. Plus fluide, j'aime beaucoup ce concept. Ça élimine les droits des agriculteurs de conserver et de réutiliser et de vendre leurs semences. Et finalement? Ben, on peut dire aussi que ça menace la souveraineté des pays, les droits démocratiques, parce que ça permettrait, ça le permet encore dans l'ALENA, mais ça étendrait ça à tous les pays européens qui auraient signé une entente avec le Canada. Les entreprises ne peuvent pas être poursuivies par les gouvernements, mais peuvent poursuivre les gouvernements parce que les gouvernements font des lois pour menacer leurs projets d'investissement. C'est quand même quelque chose, ça. Ouais. En conclusion, Renaud? Il faut lutter contre le projet d'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Et comment on peut le faire? Ben là, il faut essayer de trouver de l'information, puis il y aura sans doute des rendez-vous importants où les signatures finales auront lieu, puis là, ben il y aura des... Sur le site peut-être, comment tu appelles déjà, ben le là, réseau? Ça, c'est le réseau pour le commerce juste. On l'a à www.perfectworddesign.ca. Bon, ben excellent. Eh bien, merci Renaud. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Un grand merci à Jeanne Gutiérrez qui est à la mise en onde, à Cédric Leterme qui a produit l'émission, ainsi qu'à Renaud Blais pour vos merveilleuses interventions. Alors, on vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL ou également celui d'Attaque Québec. Alors, pour plus d'informations sur l'organisme, vous trouverez la façon d'y devenir membre et également nos actions. Je vous rappelle aussi que vous pouvez écrire à l'émission legraindesable@hotmail.com. N'oubliez pas non plus la manifestation de demain en solidarité avec le mouvement social tunisien. C'est à 13h30 au centre Lucien Borne et la marche ira jusqu'à la place Diouville. Alors, quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grain de Sable. On reçoit, donc primeur ce soir, on reçoit Fernand Dumont, donc un stagiaire en Bolivie pour l'organisme Développement Épais, qui viendra nous parler de son expérience en coopération internationale. Alors, je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Baptiste Vigneault et Golvandi avec 100% Dynamite qui vont vous faire groover sur leur rythme. Et tout de suite après ces quelques publicités. Alors, sur les ondes de CKRL, cette radio authentique qui cultive vos goûts. Alors, passez une excellente semaine. Chou-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba